Bonjour. Dernièrement, il y a des petits échos qui me viennent, puis c'est pas parce que je me tiens dans les groupes sur Facebook, des choses comme ça, je l'ai pas Facebook. Mais j'ai pas le choix d'avoir des petits échos de ce qui se passe, entre autres dans certains milieux. Et puis là, semble-t-il que il y en a, ils se sont donné pour mission de détruire la religion supramentale. Bon, c'est correct. L'affaire, c'est que de pas tout mélanger, bon, on peut pas faire nécessairement autant d'amalgame. Puis c'est plus vaste qu'il n'y paraît. Donc, par rapport au supramental, le supramental de la façon dont il s'est manifesté au Québec n'a rien à voir avec le supramental tel qu'il s'est manifesté ailleurs, notamment en Europe. Il faut comprendre que le Québec, c'est un contexte particulier. On n'a pas eu de 1889. Et le régime britannique a voulu que les Canadiens français restent catholiques pour des raisons, je dirais, de gouvernance et de psychologie. Donc, quand il y a eu des flots d'immigration, par exemple, un petit peu pour, comme un des pères de la Confédération, M. MacDonald, l'avait voulu, c'était que les Québécois, bon, ben, tranquillement, on va les diluer. Les Canadiens français vont être dilués au niveau d'une assimilation progressive. Quand il y a eu certaines vagues d'immigration au Québec, on a privilégié des Polonais, des Irlandais, des Italiens, des gens qui étaient de confession catholique pour que le Canadien français reste dans son contexte catholique, un peu étouffant. Puis il y avait aussi, entre l'Église catholique et les instances du gouvernement fédéral, je dirais, une collaboration pour que le peuple canadien-français reste docile, obéissant, ignorant, pauvre. Donc, puis c'était gagnant-gagnant, à la fois pour l'Église catholique et pour le régime britannique. Donc ici, il n'y a pas eu de 1789, c'est-à-dire que même si on recule jusque dans les années, même au début des années 60, au Québec, c'était encore très, très, très, très, très catholique, mais d'une façon que les Européens ne peuvent pas s'imaginer. Peut-être à part, peut-être dans certains coins de l'Italie ou de l'Espagne, peut-être là, oui, les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point le Québec était religieux, à quel point le Québec baignait dans la religiosité. Donc, Bernard de Montréal est né en 1939. Il arrive dans un contexte qu'on appelle la Grande Noirceur, qui était dû au fait de l'autorité morale, entre autres de l'Église, qui avait droit de regard sur tous les aspects des mœurs des gens. Il n'y avait pas vraiment une liberté de conscience au sens où on l'a parlé à partir des années de la fin des années 60. Donc, le Québec, c'est un contexte très particulier. Les gens étaient catholiques, très, très catholiques, très pratiquants. Vous ne pouviez pas ne pas l'être. Il y en a qui ne l'étaient pas pratiquants, mais ils étaient mis au banc de la société. Ils étaient à part. Et au Québec, il y avait même des émissions de radio, ce qu'on appelait le chapelet en famille. Il y avait le cardinal Léger qui récitait, qui psalmodiait d'une façon répétitive comme un robot. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, c'était le chapelain en famille, donc ça psalmodiait à la radio. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, blablabla. C'est quelque chose d'insupportable, d'une pesanteur insupportable. Et les Canadiens français ont subi ça pendant très longtemps. Très longtemps. Donc, le supramental, quand il s'est manifesté au Québec, entre autres, à partir, je dirais que c'est comment ça a commencé. À plus se parler dans les années 80, puis après 90, 2000, ainsi de suite, il y avait un certain rejet de la spiritualité. Je dis pas qu'il n'y avait pas du nouvel âge à travers, parce que les Canadiens français, quand il y a eu ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, dans le temps de Jean Lesage, et puis une révolution des mœurs, il y a un changement de mentalité, les Canadiens français se sont mis à déserter les églises. Ben, les Canadiens français se souvenaient de tout ce qui était ce qu'on pourrait appeler la dominance multiforme au niveau du mental, c'est-à-dire l'intellect, la psychologie, et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas pris les mêmes formes qu'ailleurs. Et aujourd'hui, on a des gens, ils veulent combattre la religion supramentale. Or, au Québec, de la façon dont ça s'est manifesté, il n'y a pas les traits d'une religion à proprement parler. Un être qui est dans une religion est un fidèle. C'est un fidèle, c'est-à-dire qu'il se soumet à une autorité morale ou autre, entre autres. Puis, il n'y a pas ça au Québec. D'ailleurs, il y avait des prises de, je veux dire, il y a eu dans l'entourage, par exemple, de Bernard de Montréal, il y a toujours eu des oppositions. Il y avait des oppositions, il y a eu des scissions, il y a eu toutes sortes de choses. Mais le supramental au Québec n'a pas rien d'une religion. Je peux concevoir qu'au niveau, comme la société Sri Aurobindo ou les sciences cosmiques, ces choses-là, Madame de Sergerie, puis la société Aurobindo, ces choses-là, que oui, au niveau d'un prosélytisme en Europe, parce qu'il y a des groupes que c'est carrément prosélyte, là. Oui, ça a les traits d'une religion. Donc, si vous voulez combattre cette religion-là, c'est votre affaire. Mais par rapport à ce qui est le supramental au Québec, la façon qui a été parlé, la façon qu'il est vécu, c'est particulier, c'est au niveau de particulier. On ne peut pas parler d'une religion. Donc, si vous êtes en guerre contre la religion supramentale, vous voulez à tout prix détruire la religion supramentale. Il y a quelque chose là-dedans qui est paradoxal. Ça veut dire que soit vous en avez fait une religion, ou vous êtes en rapport avec des gens qui en ont fait une religion. Or, bon, si j'ai pas de lien avec aucun groupe, par exemple, que j'ai jamais été voir comme la société Aurobindo ou ce qu'il y a eu Madame de Sergerie, les sciences cosmiques, ces choses-là, c'est parce que justement, ça m'intéresse pas. Puis la plupart des gens que je connais qui ont côtoyé ce milieu-là ou qui ont eu un certain attrait pour le matériel fait par des particuliers qui le parlaient, ils n'ont aucun attrait ben pour ces choses-là. Tout le côté religieux. Donc, vous pouvez combattre la religion supramentale, mais pas faire d'amalgame avec, par exemple, des gens au Québec comme Charles Sabourin, et ça n'a rien d'une religion. Ça n'a rien d'une religion, ce qu'il dit. Bernard de Montréal, peut-être oui, il y a certains aspects spirituels au début, mais si on regarde la dernière phase, la psychologie évolutionnaire, il n'y a rien là d'une religion. Puis, moi, personnellement, je vois pas une religion supramentale, j'en vois pas. Au contraire, sinon, ça reviendra à dire, ben, la psychologie analytique, c'est une religion, puis il faut la combattre, ou je ne sais pas, moi. Certaines philosophies, on va décréter tout ce qui fait pas notre affaire comme une religion, qui c'est devenu un terme péjoratif de religion. Alors qu'au fond, il est question ici de particuliers qui s'individualisent. Ce qui est, jusqu'à un certain point, le contraire d'une religion qui, elle, va prôner un épanouissement dans ce qui relie des individus par rapport à une doctrine commune ou sous une autorité commune. Or, ce n'est pas du tout le cas au Québec. Donc, si vous voulez combattre la religion supramentale, bien à vous, mais il y a là quelque chose d'une chimère. Je veux dire, c'est comme combattre des moulins à vent. Parce que les guerres de religion ont tout le temps renforcé les religions. Toujours. Prenez. Les calvinistes, par exemple, qui ont échappé au massacre de la Saint-Barthélemy, ils se convertissaient pas au catholicisme. Ils restaient encore plus ancrés dans leur position. Ça venait confirmer leur position, les persécutions puis les guerres de religion, pareil pour les catholiques. Donc, les guerres de religion ont renforcé les religions, puis ça a toujours été le cas. Puis, au niveau, par exemple, de la francophonie, si on regarde en Europe, bon, les chaînes qui vont parler beaucoup de détruire la religion supramentale, c'est pas des chaînes du Québec. Parce que les Québécois, ça fait un bout de temps qu'ils l'ont combattu pour vrai, la religion. Réellement pour vrai. Je parle dans ces aspects subjectifs, collectifs, d'autorité imbue d'elle-même, ses abus, son hypocrisie. Sa malhonnêteté, les Québécois, c'est très récent. Ils l'ont combattu, la religion. Moi-même, quand j'étais enfant, à l'école, c'était encore très, très, très catholique. On avait une photo du pape dans la classe, puis on faisait des prières. C'est difficile, j'imagine, pour des Européens d'imaginer ça. Comme l'ambiance que ça avait, à quel point c'était lourd, c'était pesant. Bon, ben, il reste que, bon, pour des gens qui, jusqu'à un certain point, à leur insu, se sont fait enlever la religion, entre autres en grande partie pour la faire remplacer par la didactique républicaine, laïcarde et ainsi de suite. On peut avoir, oui, on peut s'accorder un certain mérite à vouloir combattre la religion. Ça, je le comprends psychologiquement. Ça fait partie de l'individuation parfois, d'une certaine rébellion envers certains aspects, comme on va combattre la religion pour se créer une identité, entre autres. Or, il n'y a que des êtres dans une religion pour combattre une religion. C'est pour ça que je me sens pas du tout interpellé, mais vraiment pas. Mais il reste que je reçois des échos comme quoi que bon, là c'est rendu, il y en a, ils veulent s'essuyer les pieds sur le supramental québécois au sens de combattre une religion, ce qui n'a aucun sens. Ça a réellement aucun sens. Allez me faire croire que Daniel Ménard était une sorte d'adepte d'une religion dont il faisait le prosélytisme, mais bon, voyons. Ou prenez Charles Sabourin. Essayez de me le démontrer comme quelqu'un qui fait la promotion d'une religion. On peut peut-être jusqu'à un certain point dire ben, il y a une certaine idéologie technique. Il y a bon, mais je veux dire, c'est toutes des gens qui forcent personne. Je veux dire, puis il n'y a pas non plus une volonté d'hégémonie là, ou de répandre quelque chose nécessairement. Il s'agit souvent de gens. Qui perçoivent les mêmes choses, puis qui ont établi un langage commun, puis qui échangent entre eux. D'ailleurs, si on regarde les chaînes qui vont dire, bon, vouloir combattre la religion, c'est surtout la francophonie européenne. Ça semble être surtout des Français, parce que, bon, les noms des chaînes sont toutes en français de France, souvent, c'est-à-dire en anglais. Et, bon. Finalement, on regarde ça, c'est un petit peu, vous manquez la cible, là, un petit peu. Si vous voulez combattre la religion supramentale, il va falloir combattre la religion supramentale, c'est-à-dire les aspects spirituels, l'aspect fusionnel avec le Nouvel Âge que certains courants qui viennent de l'Inde ont institué, entre autres. Puis de tout ce qui a été récupéré, puis c'est correct. Vous pouvez combattre la religion supramentale, mais moi, ce que je vous dis, c'est que le camp d'en face va camper dans ses positions et les attaques vont le renforcer dans sa position subjective et vice-versa. En face, ça va être la même chose. Une religion, ça se combat pas au sens de l'argument ou d'une guerre de religion, c'est des processus naturels au sens de la psychologie sociale. Donc, quand une religion tombe, c'est ses propres adeptes souvent qui tout simplement ça prend plus. Puis c'est des processus naturels un petit peu. Comme au Québec, bon, pourquoi qu'il y a eu une désertion des églises, puis même là, les églises ne sont pas vides. Ben, c'est peut-être parce que les gens, ça ne leur convenait plus. Tout simplement. Puis, moi, jamais je parlerai contre la religion en tant que telle, parce que pour l'individu à qui ça sert encore, ben, ça sert encore. J'ai jamais prôné qu'on détruise la religion de qui que ce soit. J'ai jamais parlé pour qu'on agisse un petit peu, un petit peu. Il y en a, c'est carrément, c'est presque le dictateur. Le discours d'activisme, des activistes. Or, jamais je prônerais d'attaquer la religion, parce que c'est totalement inutile. C'est totalement inutile, peu importe la religion. Je pense que certains types psychologiques de personnes ont besoin de la religion, que ça correspond à un besoin. Puis, en plus, que au niveau de l'individu, de ses croyances, de sa foi, puis jusqu'à un certain point, ça ne nous regarde pas. Donc, s'il existe une religion supramentale, eh bien, ça regarde les gens qui sont dedans. Tout simplement, vous pouvez détruire la religion supramentale en vous, si vous voulez. Mais ça veut dire qu'elle est en vous, que vous en avez fait une religion, ou que vous êtes en rapport avec des gens qui en ont fait une religion. Mais personnellement, les rapports que j'ai avec ça n'a rien d'une religion. On est plus proche d'une nouvelle frange de la psychologie, jusqu'à un certain point. C'est paradoxal parce qu'on pourrait parler d'une psychologie qui va au-delà du psychologique. L'étude du psychologique à partir de structures non psychologiques, jusqu'à un certain point, il y en a qui pourraient rapprocher ça comme par exemple de l'inconscient, des freudiens ou du subconscient, des psychologues analytiques, jungiens. Mais or, ça n'a rien à voir, c'est réellement une approche nouvelle qui vient pas d'Aurobindo, qui vient pas de Rudolf Steiner, qui vient pas des théosophes, qui vient pas de... ça a réellement commencé au Québec, ça. Ça a vraiment commencé par là, au Québec. Vous pouvez, si vous voulez, vous essuyer les pieds sur des gens comme Bernard de Montréal, vous pouvez, Daniel Ménard, Charles Sabourin, mais il reste que, si vous voulez réellement défaire une construction comme celle-là, puis je parle pas ici d'une construction au sens de l'intellect ou de la didactique, ben il va falloir avoir au moins l'éloquence, la capacité de démontrer ce qui est désuet puis ce qui ne l'est pas. Simplement émettre des opinions, simplement émettre des opinions un peu comme on le voyait dans certaines émissions où des intellectuels venaient se confronter, là, comme apostrophe avec Bernard Pivot, ça fonctionnera pas. Les Canadiens français sont très, très pragmatiques et, en général, ont une assez mauvaise opinion des intellectuels. Puis même là, jusqu'à un certain point, je sais très bien que les gens dont je parle ne sont pas des intellectuels. Ne sont pas des intellectuels. Au niveau de l'exercice de la parole, ça prend une certaine contenance, ça prend une certaine centricité et ça prend une certaine maîtrise. Et juste d'émettre des opinions en faisant des amalgames, ben c'est pas suffisant. C'est pas ça la parole. Si vous émettez une réelle parole, vous êtes censé faire éclater des formes, pas les confirmer. Dans le sens que oui, vous pouvez combattre la religion supramentale, mais moi, ce que je vous dis, c'est que si on regarde au niveau de l'histoire, puis de la psychologie humaine, les religions, c'est pas comme ça que ça disparaît. C'est pas par l'attitude psychologique d'un combat outré. Au contraire, ça renforcit les positions, ça crée de la polarisation, ça amplifie les tensions. Puis finalement, ça perdure, puis ça s'installe encore plus solidement. Ça force certaines forces à changer de forme, tout simplement, des formes plus adaptées, plus, comment je pourrais dire ça, plus encastrées et plus encrassantes encore. Pourquoi? Parce que au niveau d'un combat, celui qui combat, ça n'a jamais été montré comme tel tant que ça, mais le combat est souvent un mouvement émotif. C'est lié à l'émotivité, c'est souvent psycho-affectif, puis c'est lié aussi à un positionnement psychologique identitaire. Donc, à vouloir combattre une religion, on finit par s'en créer une autre, ou plutôt un campement différent qui fait face. Mais il n'y a rien qui se ressemble plus que les polarités qui se font face. Il n'y a rien que... On va toujours ressembler un petit peu à ce qu'on combat. C'est pour ça que moi, je vois pas l'intérêt de s'engager à un combat contre la religion supramentale, à moins que vous en ayez fait une religion, que vous soyez pris avec ça, que vous en souffrez, puis vous voulez le combattre. Puis que par projection, ben ça peut arriver qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler ce qu'on pourrait appeler de la déformation professionnelle. Dans le sens que, bon, après, ça arrive par projection, on va vouloir combattre ce qu'on a combattu en soi chez les autres. Puis c'est là qu'il y a des amalgames dangereux entre ce qu'on combat par rapport à l'autre et l'autre lui-même, mais ça devient vite personnel. Ça devient vite personnel, pourquoi? Parce que c'est psychologique, c'est des attitudes psychologiques, c'est intellectuel, c'est comme... qu'est-ce que j'ai vu donc aujourd'hui? Ah oui, l'intelligence n'est pas supramentale. Mais le problème avec une assertion comme ça, c'est que si l'intelligence n'est pas supramentale, c'est-à-dire au-delà de l'intellect, ça veut dire que la seule intelligence qui existe dans l'univers, c'est le mental, c'est l'intellect. C'est là où j'ai un certain problème avec ce qu'on pourrait appeler la culture de l'intellect dans la francophonie européenne. Parce que dans le fond, si vous voulez détruire le supramental, il faudrait au moins sortir du mental. Vous pourrez pas combattre le. Ça dépend là de quoi on parle. Mais j'ai l'impression que ça a tellement rien à voir. Ça a tellement rien à voir. Je me sens pas concerné. Donc, bonne chance dans vos combats. Bonne chance au camp d'en face aussi. Puis bon, peu importe ce qui arrive, bon, ça risque d'être intéressant quand même. C'est toujours intéressant. Bonne journée.